Le 14, le corps des attachés économiques et commerciaux en Corée a visité l'hôpital complexe d'ophtalmologie du Gyeong à Pyongyang à l'occasion du 16 février.